L'homme trapu, après un mouvement de recul, laissa Aoun lui poser la main sur l'épaule. Zour, qui venait d'atterrir, faisait les signes d'alliance qu'il avait appris de Wao. Alors il y eut un élan d'allégresse parmi ces pauvres créatures, et peut-être un obscur orgueil de s'allier à ce géant qui dépassait les plus terribles de leurs vainqueurs. Les femmes rejoignirent d'abord l'homme trapu. Aoun riait de son grand rire, plein d'une joie de horde qui lui paraissait plus douce après tant de jours passés loin des Oulam. Les hommes du feu. Pendant plusieurs semaines, Aoun, Zour et leurs alliés errèrent dans la cile. La vie demeurait abondante et facile. Les Lémuriens découvraient sans peine les sources, percevaient de loin les fauves, déterraient des racines comestibles et extrayaient la moelle du sagou. Le soir, autour du feu, la sécurité était complète. La petite horde défiait les attaques. Aoun et Zour avaient taillé des massues et des haches pour leurs compagnons qui, après quelque temps, s'en servirent sans maladresse. Tous semblaient prêts à braver les carnivores sous le commandement de Loulamre. Comme les Semnopithèques, ils avaient des âmes faites pour le troupeau. Ils pouvaient devenir redoutables, pourvu qu'on leur inspirât confiance. Celle que leur inspirait Aoun devenait peu à peu absolue. Ils aimaient naïvement cette poitrine de colosse et ses bras irrésistibles. La voix tonnante les ravissait jusqu'au rire. Le soir, quand les lueurs cuivreuses du feu dansaient sur les herbes ou se prolongeaient sous les arches des arbres, ils se rassemblaient autour de Loulamre avec des cris de bonheur. Tout ce qui les terrifiait chez les hommes du feu se transformait en sécurité. La présence de Zour leur était presque aussi agréable. Ils connaissaient sa ruse ingénieuse, ils savaient que le géant écoutait ses conseils et comprenait leurs gestes et leurs obscures paroles. Mais il y avait une sorte d'égalité entre eux et lui. Ils l'aimaient presque à la manière dont ils s'aimaient entre eux, tandis que leur prédilection pour Aoun avait un caractère fétichique. À mesure qu'on avançait vers le sud, les Lémuriens montraient une hésitation qui souvent prenait une allure de crainte. Wao expliqua qu'on arrivait au bout de la sylve. Le plateau s'inclinait, la chaleur devenait plus vive, les palmiers, les lianes, les banyans, les bambous, recommençaient à se multiplier. Un après-midi, ils furent arrêtés par une déclivité presque verticale. Une rivière torrentielle coulait dans une vallée étroite. À l'autre rive, le versant remontait sans s'élever à la hauteur où se trouvaient les nomades. Et l'on apercevait une grande savane entrecoupée d'îles arborescentes. Les Lémuriens, longtemps tapis parmi les arbustes, scrutaient la savane avec des prunelles vacillantes. Et Zour, ayant interrogé Wao, dit au fils de Lurus : C'est le pays des hommes du feu. Aoun l'épia avec une curiosité farouche. Zour ajouta : Quand ils viennent dans la forêt, ils tuent les hommes velus et les mangent comme des axis ou des antilopes. Alors une colère s'éleva dans la poitrine de Loulamre, car il se souvint d'Exam, dévoreur d'hommes, sur qui Nao avait reconquis le feu. L'endroit était propice au campement. Il y avait dans le roc une longue caverne facile à défendre contre les fauves et contre les hommes, et devant la caverne, un espace découvert où l'on pouvait allumer un feu que d'épaisses broussailles rendraient invisible de l'autre rive. Aidés par les Lémuriens, Aoun et Zour fortifièrent l'entrée de la caverne. Quand le soir approcha, elle était solidement défendue pour résister à l'attaque de 30 hommes. Le fils de Lurus dit « Aoun, Zour et les hommes velus sont plus forts que les hommes du feu. » Il se mit à rire, de son rire de victoire, et sa gaieté se répandit parmi les autres. Le soleil doubla dans la rivière son image écarlate. Les nuages s'emplirent de gloire fabuleuse. Ils furent pareils à ces rocs rouges qui s'élèvent au nord du pays des Oies. Ils s'ouvrirent sur des savanes de scabieuses et des abîmes de soufre. Et le feu fut beau dans la chute des ombres. Un vent frais l'aidait à dévorer les écorces et les branches, un axis entier rôtissait pour la horde, les Lémuriens, guidés par Zour, cuisaient leurs racines, leurs fèves et leurs champignons. À la fin du repas, Ra, qui se tenait près des broussailles, se dressa en sursaut en proférant des sons confus. Son bras se tendait vers l'autre rive. Aoun et Zour pénétrèrent dans le fourré et tressaillirent. À la gauche du campement, sur l'autre rive, un feu commençait à luire. Il était faible encore, il hésitait le long des rameaux et des ramilles. Puis il s'anima, des flammes s'élevaient en bonds brusques. Une fumée rouge flottait. Les flammes grandirent et parurent vaincre les ténèbres. Leurs palpitations se prolongeaient sur la steppe. On apercevait des silhouettes, tantôt noires, tantôt cuivreuses, selon qu'elles passaient devant ou sur les côtés du feu. Tous les Lémuriens avaient suivi Aoun. Ils regardaient ardemment, à travers les interstices des broussailles, les mouvements de leurs ennemis. Un frémissement de crainte les agitait par intervalles. Les plus vieux se souvenaient de fuites éperdues. Ils revoyaient des compagnons assommés à coups d'épieu ou de hache. À mesure qu'il épiait, Aoun percevait mieux la scène. Les hommes du feu embrochaient des morceaux de gibier et les faisaient rôtir à la flamme. Ils étaient sept, tous des mâles, et formaient sans doute une de ces expéditions de chasse comme il y en avait fréquemment chez les Oulamres, les Nains Rouges, les Xam et jadis les Oies. L'un d'eux chauffait au feu, pour la durcir, la pointe d'un épieu. Il ne semblait pas qu'ils se fussent avisés de la présence d'un autre feu. Leur campement était situé plus bas que celui d'Aoun et de Zour. La broussaille formait pour eux un rideau presque impénétrable. Mais Aoun devina bientôt qu'il s'était aperçu de quelque chose. Parfois, l'un ou l'autre se tournait vers le roc plateau et regardait. « Ils voient la lueur de notre feu, » dit Zour. Leur tranquillité l'étonnait. Peut-être croyait-il que le campement était occupé par des hommes de leur horde. Il interrogea Wao. Elle montra la rivière, puis la vallée et l'amont, et fit comprendre qu'il n'y avait aucun passage, sinon très loin. Le courant était si rapide qu'aucun homme ni aucune bête ne pouvait le traverser à la nage. Il faudrait marcher jusqu'au jour pour atteindre le campement ennemi. De part et d'autre, la sécurité était momentanément complète. Longtemps encore, Aoun observa ces êtres plus proches de sa race que les Lémuriens et qui, toutefois, ressemblaient plus aux Xam qu'aux Oulamres. Malgré la distance, il percevait les jambes brèves, les torses plus profonds que larges, mais il ne voyait guère leurs crânes plus étroits que ceux des dévoreurs d'hommes, leurs gueules pesantes et leurs énormes arcades sourcilières. « Les hommes du feu ne nous attaqueront pas cette nuit, » affirma Aoun. « Oseront-ils nous attaquer demain ?» Son cœur belliqueux ne redoutait pas la bataille. Il croyait à la victoire. Si les Lémuriens étaient plus faibles que les ennemis, ils les dépassaient par le nombre, et l'Oulamre comptait sur sa propre force comme sur la ruse de Zour. Il demanda, « Les hommes du feu ont-ils des sagaies et des harpons ?» Interrogé par le fils de la terre, Wao mit quelque temps à comprendre. Puis elle s'adressa au plus ancien de ses compagnons. « Ils lancent des pierres, » répondit Zour, quand il eut démêlé la gesticulation des Lémuriens. « Et ils ne tirent pas le feu des pierres, » s'exclama joyeusement Aoun. Il avait fini par discerner deux feux menus à quelque distance du grand feu qui brûlait dans des cages de pierre. Si on leur tuait le feu, comme jadis on l'avait fait aux Oulamres, avant que Nao eût rapporté le secret des oies, ils retourneraient vers leur horde. La nuit fut paisible. Aoun, qui prit la première veille, put d'autant plus facilement surveiller l'ennemi que la lune se coucha plus tard que le soir précédent. En même temps, deux Lémuriens veillaient. Ils avaient appris la nécessité de la vigilance et ils se relayaient naturellement lorsqu'un péril les menaçait. Aucun ne les excitait davantage que le voisinage des hommes du feu. Quand Zour dirigea à son tour la veille, la lune était couchée et là-bas le feu ne jetait plus que des lueurs pâlissantes. Les guerriers étaient endormis, sauf un dont on voyait la silhouette circuler dans la demi-ombre. Bientôt, Zour ne le discerna plus, mais les yeux nyctalopes de rat continuaient à le voir malgré la distance. La nuit avança. Des centaines d'astres avaient croulé dans l'Occident. D'autres ne cessaient de paraître et de monter vers le zénith. Seule une étoile rouge demeurait immobile dans le septentrion. Vers l'aube, la vapeur qui se formait sur la rivière voilà peu à peu le versant opposé. Le campement des hommes du feu devint invisible. Après le lever du jour, le brouillard persista. Le vent du matin y faisait des trouées, le soleil l'évaporait. Peu à peu le site devint visible. On ne discerna d'abord que la cime, puis la brume refluée, déchiquetée, laissa apercevoir le versant. Enfin, les Lémuriens poussèrent une sorte de plainte. Il n'y avait plus d'hommes du feu. Seules quelques cendres, quelques braises noirâtres montraient la place où ils avaient campé. L'ennemi invisible.